problème. Oui, j'en suis sûr. Et j'y repensais le soir avec un verre de sauterne, caviar et confiture. Maman a le seum de moi, papa a le seum de moi. Depuis que j'ai foiré les études, j'ai l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre. Peut-être qu'avec le temps je me retrouverai. J'aimerais que la tristesse s'évapore, qu'elle quitte le port. J'aimerais que la tristesse s'évapore, qu'elle quitte le port. Le port des gens mal aimés. Le port des gens mal aimés. Toc toc toc. Avec les humains, aïe aïe, j'ai l'impression d'être une fleur qui se fane entre leurs mains. Dites-moi comment on fait pour s'aimer. Je ne sais pas le faire, moi. Je ne sais même pas m'aimer, moi. J'ai besoin de savoir. Et je sens qu'elle est enfermée, mais impossible à cerner. Cette douleur si vive en moi, aidez-moi.